D'après les informations en provenance de Corée du Sud, les troupes américaines et les autorités sud-coréennes ont introduit à l'improviste les équipements de SAD sur le terrain de golf à Songju. Pour éviter la protestation des Sud-Coréens qui s'opposent à la disposition de SAD, les troupiers américains ont fait partir dans la nuit du 25 avril leurs équipements qu'ils avaient disposés séparément à Busan, à Osan et à Vegan. Les troupiers américains et les autorités sud-coréennes ont mobilisé les remorqueurs, voitures d'escorte, wagons citernes et plus de 8000 policiers sous prétexte des exercices militaires conjoints contre le Nord, pour introduire jusqu'à l'aube du 26 avril sur le terrain de golf la plupart des équipements de SAD, comme le radar X-Band et 6 rampes mobiles de lancement. Indignés, les habitants de la commune de Soson du canton de Chozon de l'arrondissement de Songju et les croyants du bouddhisme Won ont livré la lutte de protestation. Par ailleurs, toujours en Corée du Sud, les gens pour la paix et la réunification ont tenu le 25 avril le 180e meeting pour le désarmement et la paix devant le siège du ministère de la Défense nationale contre la disposition de SAD et l'installation des biens stratégiques américains dans la péninsule coréenne.